Voyons, vous voulez peut-être savoir comment va Pablo aujourd'hui. Comment direz-vous ça? Comment va Pablo aujourd'hui? Como es? Non. Como está Pablo? Como está Pablo, hein, c'est ça. Como está Pablo aujourd'hui? Hoy. Hoy. Hein? Comment va-t-il? Como está? Como está Pablo hoy? Hein? Comment va Pablo aujourd'hui? Et si vous voulez dire « il est malade aujourd'hui », le mot pour malade est « enfermo » pour un homme et « enferma » pour une femme. Pensez à un malade, hein? Il ne peut pas sortir de chez lui, il est enfermé, cloué au lit, donc « enfermo hein? ». « Enfermo », c'est « malade ». On retrouve d'ailleurs le mot dans plusieurs mots français, hein? Comme « infirme », « infirmier », « infirmière ». Donc, « enfermo », c'est « malade » pour un homme. Alors, aujourd'hui, Pablo est malade, se dira « Hoy, Pablo está enf... »« Hoy, Pablo, oui, est malade. Enf... »« Enfermado ?»« Enfermo ». Le mot pour malade est « enfermo », comme « enfermé hein? ».« Enfermo ». D'accord. « Enfermo ». D'accord. « Hoy, Pablo está enfermo hein? ».« Está enfermo ». Il est malade. Mais si vous disiez « Pablo es enfermo », qu'est-ce que ça voudrait dire hein? Ça devient alors une caractéristique. Hein? « Es enfermo », ça voudrait dire « c'est une personne malade ». Non pas qu'il soit malade aujourd'hui, mais il a une longue maladie ou une maladie chronique. Hein, ça devient une caractéristique. Il se peut qu'il soit malade physiquement, infirme ou mentalement, peu importe, c'est un malade. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas un problème de santé passager, mais une maladie depuis longtemps ou pour toute la vie. Es enfermo.